On va se connecter à Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel, est-ce que vous êtes là? Jean-Michel? Décidément ce soir, j'ai l'impression que Jean-Michel est injoignable. On essaye, c'est le codec, hein, c'est comme Claude. Normalement, il est censé être quelque part en Belgique avec son micro et son casque, mais bon, visiblement, ça déconne de nouveau. Écoutez, on va essayer de le joindre, on va essayer de l'appeler. Hein. On l'appelle hein, sur le portable de Jean-Michel. Bien sûr, répondeur de Jean-Michel, Jean-Mi pour les intimes. Si vous me contactez pour me demander de l'argent ou de l'aide, je ne vous répondrai pas, ce n'est pas la peine d'essayer. Bon, par contre, si c'est pour une petite livraison d'alcool ou si vous êtes une charmante petite poulette, alors harcelez mon appel jusqu'à ce que je lâche mon verre et que je vous réponde. Allez, kiss, bisous, je vous aime, hein, les amis, je vous aime. Hein. Oui. Comment m'en est? Oh oui, tu peux me remettre un verre, oui. Vas-y, mets-moi en quatre, mais... Il a même pas réussi à faire son répondeur, c'est incroyable, il a posé le téléphone, il l'a pas fini. Bon, je sais pas comment on va pouvoir faire, parce que là, il a quand même sa séquence. Il sait quand même que nous sommes en direct, enfin, je sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est permis de... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va ? Oh ! Jean-Michel ! C'est vrai, vous êtes où ? Salut tout le monde ! Attendez, il faut que je repère d'où vient votre son, là. Attendez, je ne comprends pas. Oh, c'est bien ici, hein. Mais vous venez de défoncer ma porte. Ah oui, mais bon, c'est... Mais vous êtes là, Jean-Michel est là, les amis. Détails, hein. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est pas possible. Ça va, Jean-Michel, vous avez défoncé la porte. Oui, j'ai défoncé la porte. Mais tu sais, tu m'avais dit, Jean-Michel est invité, je suis là, voilà. Jean-Michel est invité au bière et cul, hein. Je précise, alors, mais voilà, hein, un poil, mon Jadoul. Eh oui, un poil. Oh, regarde non. Ça. Ah, je suis content de vous revoir, les amis. Non, enfin, Jean-Michel. Oui. Sortez d'ici, allez accompagner Claude sur le rooftop là. Ayez l'obligeant s'il vous plaît de cacher votre machin là qui pense à me répugne. Il passera pas dans le Comment studio. Comment ça Ne passez Claude pas par le studio. Oui, Claude est là. Oh, formidable ça. Attends, j'y vais. Allez le retrouver, Claude. Bonsoir monsieur, dites-moi, je cherche Claude. Démon poivreux, tu me reconnais pas? C'est moi, Claude. Tu te souviens pas du bon vieux temps? Hein? Tu m'appelais Clodo, tonton Clodo. Tu te souviens pas? Ah ouais, il est temps de changer tes fonds de verre qui servent de binocle, hein, tiche. Oh ouais, mais la dernière fois, tu avais un petit bonnet de Noël, non, sur la tête? Mais la dernière fois, c'était Noël, hein? C'était cohérent, il y avait quelque chose de réfléchi, hein, tiche? Dis-moi un peu un slip, hein, vieux, sinon ta petite bite de Mickey, je l'en mets sur la rie, hein? Petite bite, ça va, oui, regarde ce qu'elle s'est fait! Jean-Michel, arrêtez! Allez! Ça me dégoûte! Il y a des gens qui vous voient sur la terrasse, arrêtez vos conneries. Bon sang, Jean-Michel, rhabillez-vous, je vais pas envoyer Maëva vous rhabiller quand même. Non, je suis pas volontaire. Oh, bande de petite nature, hein, parce que maintenant les gens sont choqués de voir un pilote faire l'hélicoptère sur le toit. Sortez de ce couloir, allez à l'extérieur, j'ai dit Jean-Michel. Oh, mais enfin. À l'extérieur. Oh, si, ouais. Mais enfin, si maintenant il faut carrément dessiner un H sur le sol pour montrer qu'on est un hélicoptère, ça va pas le faire, hein. Regarde ça, gars, allez. Jean-Michel, ne faites pas. D'accord. Par contre, dites à l'antenne la décision que vous avez prise à propos de votre addiction à l'alcool. D'accord. Vous souvenez notre longue conversation Je me souviens très bien, oui. Bon, bah allons-y alors. Allez-y, hein. Oui. Vous avez le micro, vous êtes prêt? Ah, j'en suis chaud. Ah, toujours chaud, moi, mon Jadoul. Allez, c'est parti. C'est la fin du bistrot de Marlène. Je suis triste, j'ai de la peine. Mais c'est aussi pour mon bien. C'est la fin des fûts de bière et de vin, des poulettes sans leur soutien et des soirées entre copains. Le dernier jour au bistrot, je vais boire de la bière comme de l'eau et rougir comme un vieux poivreau. Le dernier jour au comptoir, celui où j'allais tous les soirs, pour finir dans un coma noir. C'est la fin, mon nickel, c'est bien. Elle me tire par la main. Si elle me lâche cette main, c'est la fin. Je commence un festin. Je monte mon cul au chien de la vieille peau du coin. Le dernier jour au bistrot, je vais boire de la bière comme de l'eau et rougir comme un vieux poivreau. Waouh. On s'est pris une de ces claques. En live, c'est encore différent que d'habitude. Hein. En live, ça a tout son effet. Oh, mettez-moi une petite goutte parce que là, j'ai trop d'émotions, les amis. Est-ce que vous pouvez demander peut-être à Claude de vous servir Oui, serre-moi. Tiens, écoute, je prends ma bière. Il reste un petit fond. Vas-y, tiens, Rothschild, Santé. Ils sont vraiment sans le balcon, mec. Quelle bande d'ivrognes. Jean-Michel, oui. Vous restez là. Maëva veut vous faire jouer avec Claude. Ah bon, oui. On va jouer avec Claude. Viens, on va jouer. Tu veux faire quoi? Non, c'est dégueulasse. Arrêtez. Non. Elle veut jouer, celle-là. Elle est là, cette Maëva. Parce que moi, elle m'a fait venir. Elle est là, Claude. Regardez par ici. Mais je n'ai pas vu Maëva. À travers la fenêtre. Regardez. Ah, oui. Ne vous brillez pas. Ils me font pas répondre. Ah, oui. Le petit chapeau rouge là-bas. Et une sexy chouque là-bas. C'est ça. On en reste là, merci. Une émission brassée avec notre savoir-faire se déguste avec sagesse. À consommer sans modération. Waouh! Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF.